إن الحمد لله، toutes les louanges appartiennent à Allah. نحمده ونستعينه ونستغفره. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. من يهده الله فلا مضل له. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré. ومن يضلل فلا هادي له. Et celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. وخلق منها زوجها. Et qui a créé de celui-ci son épouse. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Et qui a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Et craignez de rompre les liens du sang. إن الله كان عليكم رقيبا. Certes Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. يصلح لكم أعمالكم. Afin qu'il améliore vos actions. ويغفر لكم ذنوبكم. Et qu'il vous pardonne vos péchés. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Mes chers frères et sœurs, qu'Allah salue ses nobles visages bénis et clairs. Et qu'Allah purifie ses âmes. Et qu'Allah ouvre ses poitrines. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a réunis ce jour-là pour lui obéir, qu'il nous rassemble dans l'au-delà avec Imam al-Nabiyyin, avec l'imam des prophètes, wa Sayyid al-Mursaleen et le plus noble des messagers, qu'il nous réunisse dans son paradis et dans la demeure de sa miséricorde. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Mes chers frères et sœurs, ceci est notre quatrième rencontre parmi les rencontres de la série Marahil Dar al-Akhirah, étape vers la demeure dernière. Et nous avions certes, lors de notre dernière rencontre, évoqué ce qu'était la mort et décrit les souffrances de la mort et ainsi que la manière avec laquelle l'ange de la mort enlève l'âme du corps. Quant à aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, notre sujet sera d'énumérer ce qu'il consiste à faire en présence de l'agonisant. Mais avant de rentrer au cœur de ce sujet, je souhaiterais tout d'abord répondre à une question que certains frères se sont posées. Et la question est de savoir comment l'ange de la mort peut-il être capable de retirer plusieurs âmes se trouvant dans différents endroits et ce en même temps. Comment l'ange de la mort peut-il retirer plusieurs âmes se trouvant dans différents endroits de la terre, et cela au même moment? Eh bien, mes chers frères et sœurs, la réponse est qu'Allah est capable de toutes choses. En effet, Wallahu ala kulli shay'in qadir, wa huwa rabbul arbab, wa musabbibul asbab, wa khaliqu khalqihi min turab, wa huwa alladhi lanat li qudratihi shada'idus silab. Allah est capable de toutes choses, et c'est lui le Seigneur de tous les seigneurs, et c'est lui l'auteur de toutes les causes, et il a créé sa créature de terre, et les forces puissantes se sont adoucies, soumises à sa puissance. Et sachez, mes chers frères et sœurs, que les critères de l'au-delà sont différents des critères de ce bas monde. Et j'aimerais que l'on se mette d'accord sur un point, et ce dès le début de cette noble et précieuse série, à savoir que toutes les informations qui nous ont été transmises par Allah Jalla wa Ala et par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et appartenant au monde invisible se doivent d'être admises et se doivent d'être acceptées, et cela même si cela dépasse notre compréhension et même si cela dépasse notre raison et notre conscience. Car la première caractéristique que doivent remplir les pieux est citée dans le Coran est la croyance au monde invisible. Allah nous dit Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et c'est un guide pour les pieux. Alladhina yu'minuna bil-ghayb. Ceux qui croient au monde invisible. Alors si Allah Jalla wa Ala ou si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'informe, chers frères ou chères sœurs, de choses qui dépassent ta compréhension ou de choses qui dépassent ta raison, tu te dois de les admettre et tu te dois d'y croire sans leur enlever leur côté concret mais qui est propre à elles-mêmes et sans essayer de leur donner une forme provenant de ce bas monde et sans te poser de questions concernant certains points qui peuvent être en effet obscurs, complexes ou confus. Et à ce sujet, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah a rapporté avec une chaîne de transmission authentique que Mujahid rahimahullah ta'ala, l'élève d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, a dit: la terre se rétrécit pour l'ange de la mort et devient comme une assiette creuse entre ses mains et avec laquelle il fait ce qu'il veut. La terre se rétrécit pour l'ange de la mort et devient comme une assiette creuse entre ses mains et il fait d'elle ce qu'il veut. Telle est la puissance d'Allah Jalla wa Ala, mes chers frères et sœurs, une puissance qui dépasse nos esprits. Et maintenant revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Et sachez que lorsque l'être humain se trouve être sur son lit de mort, nous nous devons de le placer dans un climat favorable afin qu'il n'échoue pas dans cet examen dur et difficile, afin qu'il n'échoue pas dans cette grande épreuve. Tout d'abord, le qualificatif muhtavar, agonisant, désigne une personne en train de mourir. Cette personne se trouve être entre la vie et la mort. Elle n'est pas encore morte, mais n'est pas vraiment vivante non plus. Elle est plutôt entre les deux demeures, ce bas monde et la demeure dernière, la vie présente et l'au-delà. Alors mes chers frères et sœurs, si un jour vous êtes en présence d'un agonisant, écoutez bien ce que nous allons vous dire aujourd'hui. Premièrement, il faut absolument que ceux qui rendent visite à un agonisant soient des personnes pieuses et vertueuses qu'il connaît. Et ce, afin que, selon l'avis des savants, ces personnes lui fassent penser du bien d'Allah Jalla wa Ala. Ces personnes lui fassent penser du bien d'Allah Jalla wa Ala, comme il fut rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim. Selon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Que nul d'entre vous ne meure sans qu'il n'ait une belle pensée de son Seigneur. Et l'imam al-Tirmidhi rapporte avec une chaîne de transmission Hassanun Sahih qu'Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rendant visite à un jeune qui se trouvait être sur son lit de mort, lui demanda: comment es-tu? Alors le jeune lui répondit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, j'espère en Allah et j'ai peur de mes péchés. Ô messager d'Allah, j'espère en Allah et j'ai peur de mes péchés. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si ces deux choses se rassemblent dans le cœur d'un serviteur dans cet état, Allah lui donne alors ce qu'il espère et l'assure de ce dont il a peur. Si ces deux choses, c'est-à-dire espérer en Allah et avoir peur de ses péchés, se rassemblent dans le cœur d'un serviteur dans cet état, c'est-à-dire l'état de l'agonie, Allah lui donne alors ce qu'il espère et l'assure de ce dont il a peur. Et c'est pour cela que l'on se doit d'aider l'agonisant à penser du bien d'Allah Jalla wa Ala. Comme dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Abi Hurayrah radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit, je suis conforme à la bonne idée que se fait de moi mon serviteur et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. Et parmi les moyens que les savants ont cités aidant l'agonisant à penser du bien d'Allah Jalla wa Ala, il y a le fait de lui rappeler ses bonnes œuvres. En effet, l'imam Muslim rapporte, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, celui-ci se trouvait chez son père Amr ibn al-As, qui se trouvait être sur son lit de mort. Et alors son fils commença à lui rappeler ses bonnes œuvres en lui disant: oh mon père, c'est toi qui as fait ceci et cela. Oh mon père, tu étais présent dans plusieurs batailles. Oh mon père, le prophète alayhi salat wa salam a attesté pour toi ceci et cela. Oui, et c'est pour cette raison que les savants ont dit qu'il est préférable de rappeler aux morts ses bonnes œuvres. Et nous avons volontairement employé le mot mort, car dans la langue arabe, on peut décrire une personne par un état qu'elle va avoir dans l'avenir. Et afin que le mort puisse penser du bien d'Allah tabaraka wa ta'ala, il convient pour l'aider de lui dire par exemple: Alhamdulillah, tu donnais beaucoup d'aumônes. Alhamdulillah, tu étais parmi ceux qui guident vers Allah Jalla wa Ala. Tu étais parmi ceux qui rappelaient les gens vers Allah. Alhamdulillah, tu assistais toujours à la prière à la mosquée. Alhamdulillah, Allah t'a comblé en te facilitant le pèlerinage. Tu étais parmi ceux qui concouraient au bien, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il apaise son cœur. Car mes chers frères et sœurs, l'agonisant se trouve dans un état que l'homme ne pourra connaître que lorsqu'il se présente à lui. Et il faut également que celui qui a un agonisant chez lui, ou bien celui qui est en présence d'un mort en train de rendre l'âme, ne disent que du bien et qu'il n'invoque Allah que par le bien. Et ceci fut confirmé dans le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Umm Salama radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'invoquez pour vous-même que du bien, car les anges diront Amin après chaque invocation. Et certes, ce qui afflige les cœurs et ce qui fait couler les larmes, c'est de voir des gens rire alors qu'ils sont auprès d'un agonisant, ou bien de voir des gens qui parlent de ce bas monde devant lui, ou encore des gens qui fument, ou bien d'autres, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en protège. Et cela prouve la dureté des cœurs, et cela prouve la dureté de leurs sentiments, et cela prouve également que ces gens n'éprouvent aucune terreur face à cette image terrifiante. Et je ne pense pas que beaucoup de monde parmi vous ait déjà vu un agonisant en train de donner son âme à son Créateur. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, après avoir rendu visite à un frère qui se trouvait être sur son lit de mort, et après avoir vu ce qui a enduré des affres et des souffrances de la mort, rentra chez sa famille avec un autre visage. Et sa femme lui a alors dit: Ya Hassan, viens manger, qu'Allah soit clément avec toi. Et il lui répondit: oh ma femme, gardez votre nourriture et gardez votre boisson, car wallahi aujourd'hui, j'ai vu une scène à laquelle je vais préparer des bonnes œuvres jusqu'à ce que je la retrouve. C'est la scène de la mort, c'est lorsqu'on m'arrachera mon âme. Et parmi ceux qui fait couler les larmes également, il y a le fait de laisser des musulmans sur le point de mourir chez des non-croyants, ou bien chez des musulmans pervers. Et ceci, mes chers frères et sœurs, c'est un malheur. Et en plus de cela, personne ne se charge de leur rendre visite pour les faire se rappeler d'Allah. Et en effet, un imam, il y a quelques années, entendit qu'il y avait un frère dans un hôpital en train de mourir. Et alors il alla lui rendre visite avec quelques frères. Et lorsqu'ils sont rentrés dans une chambre spéciale pour les agonisants, ils l'ont trouvé entre la vie et la mort. Et la plupart de ceux qui se trouvaient avec lui étaient des non-musulmans. Et on entendait de la musique qui arrivait jusqu'aux chambres. Alors il alla en vitesse voir un infirmier afin d'arrêter cette musique. Et qu'est-ce que lui dit l'infirmier ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est une musique classique spéciale pour apaiser leur douleur et pour les aider à mourir. La ilaha illallah, la flûte du shaitan, la voix d'Iblis, l'instrument du diable aide les agonisants à mourir. Qu'est-ce que cela ? Et ensuite il se rapprocha du frère et il prit sa main qui était telle un morceau de glace et il lui chuchota dans l'oreille qu'il était un tel. Et il commença à lui faire se rappeler d'Allah Jalla wa Ala. Et il nous jure, mes chers frères et sœurs, il nous jure par Allah qu'il a vu des signes d'apaisement sur son visage et qu'il a pu avoir la certitude que le mort souffre de la solitude et que le mort se sont abandonnés au moment où il rend l'âme à son créateur. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas qu'on laisse nos morts seuls face au diable, il ne faut pas qu'on laisse nos morts seuls face aux shayatines et qu'on les laisse entre les mains de non-musulmans ou entre les mains de musulmans pervers. Oui, mes chers frères et sœurs, et j'aimerais bien que les infirmiers et les infirmières dans les hôpitaux des pays musulmans apprennent cela, car on entend beaucoup d'histoires à propos de ces infirmiers pervers qui se prétendent musulmans alors que souvent ils passent devant des agonisants en riant ou peut-être même qu'ils se moquent d'eux ou qu'ils tournent leur visage pour ne pas voir des scènes effrayantes. J'aimerais qu'ils apprennent ce qu'est le bon comportement du musulman dans les universités et écoles de médecine. Mes chers frères et sœurs, ne laissons pas nos morts seuls. Il faut être avec eux pour leur faire penser du bien d'Allah Jalla wa Ala. Car sachez qu'ils se sentent tristes. Et sachez qu'ils se sentent malheureux. Et sachez que les agonisants ont une peur, une crainte et sont pris d'une panique terrible pendant leurs derniers moments. Deuxièmement, nous nous devons d'inciter l'agonisant à prononcer la meilleure attestation et à prononcer le plus important témoignage. C'est l'attestation pour laquelle Allah a créé les cieux et la terre. C'est l'attestation pour laquelle Allah a créé toutes les créatures. C'est l'attestation pour laquelle il y a le paradis et l'enfer. C'est l'attestation pour laquelle les gens se sont divisés en deux camps, croyants et mécréants, pieux et pervers. C'est la plus grande phrase à laquelle nul ne peut se mesurer et nul ne peut avoir son poids, à savoir la ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Et écoutez et retenez attentivement ce que nous allons vous dire, car bien qu'il soit facile de la prononcer dans cette vie, bien qu'il soit facile de la prononcer dans ce bas monde, il devient difficile, voire impossible, de la prononcer au moment de mourir. Tout être humain peut la prononcer de son vivant, mais sur son lit de mort, la prononcer devient toute une autre affaire. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à sa communauté, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim et par l'imam al-Tirmidhi, selon Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: apprenez à vos morts comment se prononce la ilaha illallah et aidez vos morts à dire la ilaha illallah. Et c'est pourquoi il faut absolument que toute personne se trouvant près d'un agonisant lui demande de dire la ilaha illallah. Et selon les savants, lui apprendre à dire la ilaha illallah signifie que l'on doit d'abord prononcer la shahada et qu'il doit la répéter ensuite, de même manière qu'un instituteur apprend la lecture à un élève. Et il faut pour y parvenir s'y prendre de la meilleure des manières, et en veillant par exemple à ce qu'une seule personne demande à l'agonisant de prononcer la ilaha illallah, et non pas plusieurs, pour ne pas le perturber, car en effet son esprit devient très perturbé au moment de mourir. Et il convient également de déterminer lors de la situation si l'on se doit d'ordonner à l'agonisant de réciter « La ilaha illallah » ou bien suffit-il simplement de lui dire pour qu'il la répète ensuite. Et à ce sujet, il existe une divergence entre les savants, car certains ont dit qu'il ne faut jamais ordonner aux musulmans de prononcer la shahada, mais seulement aux non-croyants, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à son oncle Abu Talib, lorsqu'il était en train de mourir, il lui dit « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah » une phrase avec laquelle j'argumenterai pour toi auprès d'Allah Jalla wa Ala. Ici, le prophète alayhi salatu wa salam lui en a intimé l'ordre, mais chez Abu Talib, il y avait Abu Jahl et Abdallah ibn Umayyah, et ils l'ont regardé, et ils lui ont dit « Ya Abu Talib, tu ne vas pas mourir dans une religion autre que celle de tes ancêtres ?» Et il répondit « Non », et il mourut en tant que polythéiste. C'est pourquoi ces savants en ont déduit qu'il ne faut pas ordonner de dire « La ilaha illallah » à un musulman, de peur qu'il ne se révolte, et afin qu'il ne s'éloigne pas. Par contre, on doit ordonner aux non-croyants de dire « La ilaha illallah », car s'ils la disent, ils gagneraient et réussiraient, et s'ils refusent, leur destinée ne changerait pas étant donné qu'ils sont perdants à la base. Mais l'avis favorable est que cela dépend de l'état de l'agonisant. Si on voit que le mort souffre et gémit de douleur, il est préférable de ne pas lui ordonner de dire « La ilaha illallah » pour qu'il la répète ensuite. Il ne faut donc pas lui dire « Dis la ilaha illallah » mais il faut s'adapter à son état et être intelligent. Mais si on voit que l'agonisant se trouve être relativement bien et qu'il ne souffre pas et qu'il ne se révolte pas, on peut lui ordonner de dire « La ilaha illallah » et la preuve en est le hadith rapporté par l'imam Ahmed. Avec une chaîne de transmission authentique, conformément aux critères de l'imam muslim, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rendant visite un jour à un homme parmi les Ansar et qui se trouvait être en train de mourir, lui dit « Oh oncle, dis la ilaha illallah » et ensuite cet homme lui demanda « Oncle paternel ou maternel ?» Et le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit « Oncle maternel ». Et ensuite l'homme dit « Oui, le mieux pour moi c'est de dire « La ilaha illallah » parole qu'il prononça ensuite. Ceci est une preuve que si la personne est apaisée, on lui ordonne de faire la shahada. Et lorsque l'agonisant a fini de prononcer la shahada, il ne faut plus l'importuner par la suite. Il ne faut plus rien lui demander. Il ne faut pas qu'il répète la shahada. Et il ne faut pas lui parler de ce bas monde. Et il ne faut pas lui parler de l'au-delà. Pourquoi cela? En effet, pour que la ilaha illallah soit la dernière parole que l'agonisant aura prononcée dans ce bas monde. Car l'imam Abu Daoud rapporte dans un hadith jugé bon par Cheikh l'Albani rahimahullah, selon Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque aura pour dernière parole la ilaha illallah rentrera au paradis. Et dans une autre version, quiconque aura pour dernière parole de ce bas monde « La ilaha illallah » rentrera au paradis. Et c'est pourquoi, si l'agonisant l'a dit, on se doit de ne rien lui dire ensuite. Mais s'il ne l'a pas encore prononcé, alors il faut lui demander une deuxième fois de la dire. S'il l'exécute, il faut alors se taire. Mais s'il s'obstine, lui demander une troisième fois. Et certains savants ont dit qu'il faut s'arrêter au bout de la troisième fois pour que le mort ne se dégoûte pas et pour que le mort ne s'enfuit pas. Et il faut apprendre tout ceci, mes chers frères et sœurs. Il faut apprendre toutes ces règles. Et il faut que la ilaha illallah soit les derniers mots prononcés par celui qui agonise. Et l'imam al-Bazar, rahimahullah, rapporte avec une chaîne de transmission bonne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque aura pour dernière parole la ilaha illallah avant de mourir finira par entrer un jour au paradis en dépit de ce qui peut lui arriver avant ce jour. Veille donc, chers frères ou chères sœurs, à demander à celui que tu assistes dans cet ultime instant de dire la ilaha illallah. Car mes chers frères et sœurs, ce sont des choses que l'on doit faire avec l'agonisant pour qu'il puisse bénéficier d'un climat convenable. Et certains savants ont de même dit qu'il est préférable de lui donner un peu d'eau en la faisant passer en petite quantité, car sa gorge à ce moment est très sèche dans ces moments-là, et ceci afin de l'aider à prononcer la shahada. Et la preuve en est ce que Aïcha radiallahu anha a dit, que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était sur son lit de mort, il y avait un récipient plein d'eau où il plongeait sa main et s'essuyait le visage avec. Alors il n'y a aucun mal à faire cela à un homme qui agonise. Et tout ce que l'on vient de dire, mes chers frères et sœurs, ne sont que des moyens qui peuvent aider l'agonisant à faire sa profession de foi. Ils ne sont que des moyens qui peuvent l'empêcher de faire des écarts. Cependant, le vrai secours ne peut venir que d'Allah Jalla wa Ala. Et Allah n'apporte son aide et son secours qu'aux croyants pieux et véridiques. Et en effet, Allah Jalla wa Ala nous dit « Yuthabbitu Allahu alladhina amanu » Allah raffermit les croyants « bil qawli thabit » par une parole ferme « fil hayati dunya wa fil akhirah » dans la vie présente et dans l'au-delà. « Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin » tandis qu'Allah égare les injustes. « Wa yaf'alu Allahu ma yasha » et Allah fait ce qu'il veut. Ce verset est immense, mes chers frères et sœurs. Et Allah donne aux pieux ce qu'il leur faut au moment de la mort. Et Allah donne aux pieux ce qu'il leur faut dans leur tombe. Et ce qu'il leur faut dans la vie présente. Et ce qu'il leur faut dans l'au-delà. Et Allah, par sa générosité, a décidé que tout serviteur mourra sur ce qu'il a vécu. Et tout serviteur sera ressuscité selon l'état dans lequel il était mort. Ainsi, quiconque vit dans le monothéisme, et quiconque vit dans la religion d'Allah, Jalla wa Ala, et quiconque vit sous la ilaha illallah, et quiconque n'adore nulle divinité en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et quiconque ne se soumet à aucun dieu ni seigneur en dehors d'Allah dans cette vie présente, et quiconque applique les exigences et les conditions de cette phrase immense, Allah lui donnera confiance sur son lit de mort. Mais quiconque adore une autre divinité qu'Allah, et quiconque prend un dieu ou un seigneur en dehors d'Allah, quel que soit ce seigneur, une idée, une personne, ou une voix, ou une opinion, ou une organisation, ou d'autres, alors Allah ne lui accordera pas de tranquillité, et donc il ne pourra en aucun cas prononcer la ilaha illallah, même si tous les savants de la terre se rassemblent autour de lui pour l'aider à prononcer l'attestation de foi. Car mes chers frères et sœurs, el jazaa min jinsi al-amal, les conséquences sont de même nature que les actes. Allah nous dit wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, tandis qu'Allah égare les injustes. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, et Allah fait ce qu'il veut. Les injustes se verront égarés et tentés par Allah Jalla wa Ala. Et les gens sont différenciés au moment de la mort. Il y en a qu'Allah raffermit, il y en a d'autres qu'Allah égare. Il y a des monothéistes, il y a des associateurs. Il y en a qui sont ravis de la rencontre d'Allah Jalla wa Ala, et d'autres qui détestent sa rencontre. On demanda à un alcoolique sur son lit de mort, dit la ilaha illallah, et il répondit verse-moi du vin et bois. Et on demanda à un adorateur de ce bas monde, un commerçant qui ne vivait dans cette vie que pour son commerce et n'avait comme souci que ce qu'il rentrait sortait comme argent. Il était sur son lit de mort et on lui demanda de dire la ilaha illallah, et il répondit combien vendez-vous cette marchandise? Et un autre dit c'est une marchandise pas chère. Et une autre fois encore, il y avait un riche qui était en train de mourir et on lui dit la ilaha illallah, et il dit et ne cessa de répéter est-ce que celui qui possède 100 millions peut-il mourir? Et son âme sortit sur cet état. Et il y en a qui meurent en chantant, et il y en a d'autres qui meurent en insultant Allah Jalla wa Ala wal iyadu billah. Et dans ces moments, Allah ne raffermit que les croyants véridiques et pieux. L'attestation de la croyance et du monothéisme, mes chers frères et sœurs, comme nous l'avons dit auparavant, est facile à prononcer dans cette vie, mais au moment de la mort, le raffermissement provient d'Allah et non de toi. C'est en fonction de tes actes, c'est en fonction de ton cœur, c'est en fonction de ce que tu vivais. Si tu étais un croyant véridique, alors tu mourras parmi les croyants véridiques. Mais si tu étais un hypocrite, et si tu étais un traître, Allah te délaissera. Car Allah nous dit « Nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqoun » Ils ont oublié Allah et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont des pervers. Oui, yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Allah raffermit les croyants bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah, par la parole ferme dans cette vie présente et dans l'au-delà. Alors faisons des bonnes œuvres pendant toute notre vie. Et il fut rapporté dans les recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les derniers actes de la vie, les actes accomplis à la fin de la vie sont ceux qui comptent le plus. Tu espères le salut, mais tu ne fais pas ce qu'il faut pour l'avoir. Et le bateau ne pourra jamais naviguer sur terre. Alors mes chers frères et sœurs, l'agonisant ne pourra prononcer que ce qu'il avait l'habitude de prononcer auparavant. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous raffermisse par la parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, et qu'il fasse que la ilaha illallah soit la dernière parole qu'on prononce avant notre mort. Lui seul en a la capacité, le pouvoir, et je demande son pardon pour moi ainsi que pour vous. Toutes les louanges appartiennent à Allah, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le sceau des prophètes. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que le prophète Mohammed est son serviteur et son messager, qu'Allah l'évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'Allah le préserve de tout mal dans ce bas monde et dans l'au-delà, et qu'Allah lui accorde la bénédiction à lui ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères et sœurs, sachez qu'il faut absolument suivre ce qui est autorisé de faire avec l'agonisant et d'éviter de faire ce qui n'est pas autorisé, et tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait, et éviter également les hadiths faibles, leur chaîne de transmission n'étant pas authentique. Et l'on peut résumer ce qui a été dit auparavant par les deux principes suivants, à savoir, premièrement, aider l'agonisant à penser du bien d'Allah jalla wa ala, et deuxièmement, lui demander de prononcer l'attestation de foi et du monothéisme. Et puis sachez également que le fait de demander aux agonisants de dire « La ilaha illallah » n'est pas uniquement autorisé avec les croyants, mais également avec les non-croyants, comme il fut établi par les savants. Alors si tu as un voisin, ou bien si tu as un ami, ou bien un collègue de travail à qui tu avais l'habitude de rendre visite, et que tu entends qu'il est sur son lit de mort, c'est une bonne chose d'aller le voir pour lui demander de dire la ilaha illallah, car le prophète alayhi salat wa salam l'a fait avec son oncle. Et l'imam al-Bukhari rapporte, selon Anas radiallahu anhu, qu'il y avait un garçon juif qui était tombé malade et à qui le prophète alayhi salat wa salam était allé rendre visite, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam veillait à visiter les malades et à être présent avec les agonisants pour les aider à dire la ilaha illallah. Ce garçon juif travaillait chez le prophète alayhi salat wa sallam, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé chez lui, il l'a appelé vers l'islam et lui a dit, convertis-toi à l'islam, devant le père du jeune garçon. Mais le jeune garçon avait honte de son père, et alors son père lui dit, obéis à Abel Qasim. Et le jeune garçon s'est converti après avoir attesté que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, que la ilaha illallah. Et ensuite le prophète alayhi salat wa salam sortit de chez lui tout content et heureux et dit, alhamdulillah, louange à Allah qui a sauvé ce jeune de l'enfer. Et il ordonna à ses compagnons de prier sur ce jeune. Comme vous le voyez, mes chers frères et sœurs, nous pouvons demander aux agonisants non-croyants de dire « La ilaha illallah ». Et sachant que la récompense pour celui qui guide quelqu'un vers la voie d'Allah est inestimable, comme le prophète alayhi salat wa salam l'a affirmé dans un hadith dans lequel il s'est adressé à Ali radiallahu anhu en lui disant « Le fait qu'Allah guide par ta cause un homme vers sa voie a plus de valeur que tout le bien sur lequel le soleil a pu se lever. » Et on ne peut pas savoir. Peut-être que ce dernier avait caché sa croyance pendant toute sa vie, ou peut-être a-t-il fait du bien dans sa vie. Et Allah, jalla wa ala, sera miséricordieux avec lui en lui clôturant sa vie par la croyance et le monothéisme. Alors il est autorisé de leur demander de dire la ilaha illallah. Et les savants ont établi que ce n'est pas qu'aux plus âgés et ce n'est pas qu'aux pubères que l'on peut demander de dire la ilaha illallah, mais également aux jeunes et aux petits qui comprennent. Et d'autre part, je tiens à attirer votre attention sur un problème grave qui est de faire des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, comme des innovations que les gens ont l'habitude de faire aujourd'hui. Par exemple, ils amènent des récitateurs de Qur'an pour réciter du Qur'an sur l'agonisant, ou réciter Sourate Yassin sur lui. Mais sachez, mes chers frères et sœurs, que le hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam dit « Récitez sur vos morts Sourate Yassin » est un hadith faible qu'on ne peut pas considérer comme preuve. Et c'est pour cela qu'il ne faut réciter aucun verset sur le lit de mort. Et il existe également certains ignorants qui mettent le Qur'an sous la tête de l'agonisant. Alors que lorsqu'il était malade et que les gens lui rendaient visite à l'hôpital, on lui amenait des magazines et des journaux pour faire couler le temps, comme ils le prétendent. Mais le Qur'an, il ne le lui amenait pas jusqu'à ce que son âme quitte son corps. Et à ce moment-là, que va-t-il avoir comme bénéfice du Qur'an? Cela, c'est une ignorance immense. Et il est formellement interdit de mettre le Qur'an sous la tête de l'agonisant, ou bien de lire le Qur'an sur lui. Car ni le prophète alayhi salatu wassalam, ni ses compagnons radiallahu anhum, ne l'ont fait. Et les hadiths cités à ce sujet sont faibles, et ne peuvent en aucun cas servir de preuve conformément au dire de nos savants. Et il faut également avertir les gens au sujet d'une chose qu'il ne faut pas faire. Car cela fait du mal aux anges, qui sont créés d'une lumière. Et de ce fait, ce sont des créatures nobles. Cette chose est la présence d'images. Alors il faut absolument enlever les images sur les murs de la maison où se trouve l'agonisant. Car l'imam muslim rapporte, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges ne rentrent jamais dans une maison qui contient des statues et des images. Et dans une autre version, rapportée par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, selon Abi Talha radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges n'entrent jamais dans une maison qui contient des chiens et des images. Et les savants ont de même dit qu'il ne faut pas laisser entrer les personnes en état d'impureté majeure, ou bien les femmes ayant leur menstrue chez l'agonisant, car cela blesse les anges. Et si les anges ont mal, le mort aussi. Et la preuve en est le hadith rapporté par l'imam al-Bazar, avec une chaîne de transmission authentifiée par Sheikh l'Albani, rahimahullah. Selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois personnes, les anges ne s'approchent pas d'eux. Celui qui est d'une impureté majeure, et la femme ayant ses menstrues en fait partie, les personnes ivres, et l'homme qui s'est parfumé avec un parfum de femme. Ces trois personnes, mes chers frères et sœurs, les anges ne les approchent pas, car cela les blesse, et il faut donc les éloigner du mort, et il faut donc les éloigner de l'agonisant. Et d'autre part, sachez que les savants ont eu des divergences sur le thème juridique qui est de savoir s'il faut ou non orienter l'agonisant en direction de la Qibla. Certains ont dit qu'il est autorisé de le diriger vers la Qibla, mais l'avis favorable est qu'il ne faut pas le diriger vers la Qibla jusqu'à ce qu'il meure. Mais avant sa mort, ceci n'est pas autorisé. Et la preuve en est ce que Aïcha, radiallahu anha, lorsqu'elle a parlé de la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que le prophète, sallallahu alayhi wassalam, est mort avec sa tête sur sa poitrine à elle. Et elle n'a pas rapporté qu'elle l'avait dirigé vers la Qibla. Et elle n'a pas dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a demandé de le diriger vers la Qibla. Et quant au hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi et l'imam al-Hakim, et qui dit qu'al-Bara ibn Ma'ruf, radiallahu anhu, au moment de sa mort, a demandé qu'on le dirige vers la Qibla. Et lorsqu'ils ont annoncé cela au prophète, alayhi salatu wassalam, celui-ci a dit: et il a fait ce que la nature humaine préfère. Ce hadith est jugé faible par Sheikh l'Albani, rahimahullah, dans son livre Les règles des enterrements. Et en ce qui concerne le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et authentifié par Sheikh l'Albani, rahimahullah, qu'un homme a dit au prophète alayhi salatu wassalam: quels sont les grands péchés? Alors le prophète alayhi salatu wassalam a cité 7 péchés, et parmi eux le fait de profaner la maison sacrée qui est votre direction, vivant et mort. Ce hadith ne prouve pas qu'il est autorisé de diriger l'agonisant vers la Qibla, car il a dit: la maison sacrée, votre direction, vivant et mort. Et le vivant se dirige vers cette direction pour prier et pour invoquer Allah. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dit est mort, ce sont les morts que l'on dirige vers la Qibla. Et un jour, quelqu'un a posé une question à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu sur la maison sacrée et il lui a répondu: ce ne sont que des pierres qu'Allah a mises pour nous, pour qu'on se dirige vers elles lors de notre vivant et pour qu'on oriente nos morts vers elles. Et l'avis favorable, après tout ce que nous avons cité, est qu'on ne dirige pas l'agonisant vers la Qibla, sauf après sa mort. Et nous verrons dans le prochain prêche, Inch'Allah, ce qu'il faut faire avec nos morts, car ce sont des lois juridiques que tous les musulmans doivent apprendre et appliquer. Et bien sûr faire ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait, et éviter de faire ce qu'il n'a pas fait, ainsi que les hadiths faibles qui ne sont pas authentifiés. Et lorsque son âme quitte son corps, il quittera notre monde visible pour le monde invisible. Il quittera ce bas monde pour rejoindre l'au-delà. Et ici, il est bien de revenir au hadith d'Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam Abu Daoud et authentifié par Sheikh l'Albani, rahimahullah, où le prophète, alayhi salatu wassalam, a cité de quelle façon l'âme du croyant quitte son corps. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, alors l'âme sort-elle une goutte sortant d'une jarre, et les anges la recueillent et ne lui laissent même pas le temps d'un clin d'œil entre les mains de l'ange de la mort. Ils la mettent dans un linceul en l'embaumant et elle dégage alors une odeur plus parfumée que le musc. Les anges l'élèvent vers les cieux et chaque fois qu'il passe un ciel, les anges qui s'y trouvent disent: à qui appartient cette âme? Comme elle est bonne son odeur. Et on leur répond: c'est l'âme d'un tel, fils d'un tel, en l'appelant par son plus beau nom qu'on lui donnait dans le bas monde. Et de là, on en déduit qu'il faut donner des bons noms à nos enfants, filles et garçons. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, dit: les anges demandent de leur ouvrir, et ils leur ouvrent et les accompagnent, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils arrivent au septième ciel. Et là, Allah ordonne aux anges: inscrivez le nom de mon serviteur que voici parmi le rang des plus élevés, parmi Al-Illiyin. Puis retourner avec son âme sur terre, car de la terre je les ai créés, et car en elle je les retourne, et car d'elle je les ferai sortir une fois encore. Alors auront là mon corps. Et mes chers frères et sœurs, je vais citer partie par partie les passages de ce long hadith qui ont un rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce qui concerne l'âme du mécréant et l'âme du pervers: l'ange de la mort la saisit comme on enfonce une tige de fer dans de la laine mouillée, et dès qu'il la prend, il ne la laisse pas en sa main plus que le temps d'un clin d'œil, et il la donne aux anges qui la mettent dans un linceul de poils, dégageant une odeur puante, la plus mauvaise que l'on puisse sentir sur terre. Et il monte au ciel, et en traversant les cieux, les anges qui s'y trouvent s'écrient: quelle mauvaise odeur! Et les anges de répondre: c'est un tel, fils d'un tel, en l'appelant par les plus mauvais noms par lesquels on l'appelait dans le bas monde. Et on demande de leur ouvrir, mais on ne leur ouvre pas. Et puis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récita la parole d'Allah: Inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, la tuftahu lahum abwab as-samaa. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamal fi sammi al-khiyat. Et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau pénétrera dans le trou d'une aiguille. كذلك نجزي المجرمين. Ainsi rétribuons-nous les criminels. Et Allah Jalla wa Ala dira alors: inscrivez-le parmi ceux qui sont dans l'abîme de la terre, parmi ceux qui sont à Sijjin. Et on jettera cette âme avec dédain. Et puis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récita la parole d'Allah: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ. Car quiconque associe à Allah, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. C'est comme s'il tombait du haut du ciel, فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ. Et que les oiseaux le happaient. أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond, puis en rend là mon corps, etc., etc. Et comme vous le voyez, mes chers frères et sœurs, après que l'âme ait vécu longtemps dans ce bas monde, en faisant des bonnes ou des mauvaises œuvres, il viendra le jour où son âme quittera son corps. Alors s'il était parmi les croyants pieux, Allah l'évoquera à ses anges proches, ainsi que les anges qui se trouvent entre les cieux et la terre. Et les cieux, avec leur grandeur, pleureront sur lui. Et les sept terres, avec leur immensité, pleureront sur lui également. Car Allah a dit, en citant la mort de la tribu de Pharaon, « فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ » Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, et ils n'eurent aucun délai. Et un jour, il y avait un homme qui demanda à Ibn Abbas radiallahu anhuma, est-ce que le ciel et la terre pleurent sur quelqu'un? Alors il lui répondit, oui, chaque croyant a une porte dans le ciel, par où il recevra ses subsistances, et ses œuvres monteront à cette porte. Et lorsque la personne croyante meurt, le ciel pleure sur elle, et il manque à sa place de prière. Ô toi, le serviteur monothéiste croyant, ô toi, le serviteur obéissant à ton Seigneur, sache que si tu meurs, on pleurera pour toi, et tu manqueras à ta place de prière. Mais par contre, le mécréant, ou l'hypocrite, ou le désobéissant, rien ne pleurera pour lui, car il n'a pas de bonnes œuvres qui montent au ciel, ni des endroits sur la terre où il a obéi à Allah, car c'est lui qui, dès qu'il tournait le dos, parcourait la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et c'est lui qui disait sur cette terre, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Et c'est lui à qui on disait, crains Allah. L'orgueil criminel s'empara de lui. L'enfer lui suffira et quel mauvais lycère. Voilà mes chers frères et sœurs, en ce qui concerne l'agonisant et ce que l'on doit faire avec lui. Et on continuera le discours, Inch'Allah Ta'ala, lors du prochain prêche, lorsque nous parlerons de ce qu'il faut faire, lorsque l'âme quitte le corps, et ce que la famille du défunt doit faire. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il mette la bénédiction dans notre temps et dans notre vie, et qu'il nous mette parmi ceux qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont certes ceux qu'Allah a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne provient que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ne peut provenir que de votre humble serviteur ou de Shaytan. Et qu'Allah évoque en bien dans ses grandes assemblées, préserve de tout mal dans ce bas monde et dans l'au-delà, et accorde sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier, et toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers.